Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Dans cette édition de La Connexion, une alliance pour la survie du jeu PC, des réparateurs informatiques incompétents, Dominique Arpin revient dans la blogosphère, les robots seront-ils nos partenaires sexuels du futur? Et une critique de Super Mario Galaxy sur la Nintendo Wii. Tout ça et plus tout de suite. C'est l'heure du jeu! Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 2 heures, on va parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques minutes à peine, on va parler de Super Mario Galaxy. Ça va être très très bon, mais avant, voici une pièce de Hot Springs, c'est Fantôme Dinosaure à La Connexion, au 89.1 FM dans vos oreilles. So dark. Formation Hot Springs et la pièce Fantôme Dinosaure Hot Springs sur les palmarès francophones de C'est fou. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, on parle Nintendo Wii avec la critique de Super Mario Galaxy. Alexandre Thibaudeau, bonjour. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va très bien. Heureux de t'avoir à La Connexion pour la toute première fois. Heureux d'y être, heureux d'y être. Et tu nous parles d'un jeu extrêmement récent. Là, on est vraiment d'actualité avec un jeu sur la Nintendo Wii. Ouais, exact. Sorti le 12 novembre 2007. La Wii qui est, je dirais, la console qui est vraiment en demande ces temps-ci. Impossible d'en trouver nulle part. J'étais un des chanceux qui a réussi à mettre la main dessus. C'est un jeu, c'est le jeu phare, dans le fond, de la toute nouvelle console de Nintendo, la Wii. La fameuse Wii, donc, avec les manettes interactives. L'histoire, ben, c'est un Mario, donc on réinvente pas le monde, c'est sûr. C'est bien sûr la princesse Peach qui s'est enlevée par Bowser, mais cette fois-ci, l'aventure va se transporter non pas dans des peintures, dans des mondes fantastiques, mais bien dans des galaxies très lointaines. Et Mario va devoir, je dirais, parcourir plusieurs galaxies pour pouvoir récupérer sa princesse Peach adorée. Donc, fantastique jusqu'à présent. Ce que j'ai vraiment apprécié du jeu, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit quand je joue à Galaxy. C'est tellement heureux et joyeux comme jeu. C'est fantastique. Les décors, oui, les graphiques ne sont pas au même niveau qu'un Halo 3, par exemple, ou qu'Assassin's Creed. C'est évident, la Wii n'étant pas supposée à côté ces consoles-là en frais de graphiques vidéo. Mais le jeu, le gameplay, tout ça rend l'ambiance tellement fantastique. Des décors très, très cartoon. Bref, ce dont on voudrait avoir lorsqu'on joue à un Mario Galaxy, lorsqu'on joue à un Mario sur une console Nintendo. Est-ce que tu te sentais comme dans les jeux de Mario précédents? Est-ce que tu trouvais que l'univers reste un peu le même ou est-ce qu'ils ont vraiment révolutionné le monde de Mario? Je dirais que si on compare, supposons, avec Nintendo 64, ouais. Okay, le jeu Mario 64 était le jeu, je dirais, phare, le jeu qui représentait la console. Et c'est ce que Galaxy est également. Un univers fantastique, une histoire du déjà vu, bien sûr, mais c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, ce sont les tableaux diversifiés, les missions diversifiées. Bref, je trouve que c'est un excellent jeu en frais de gameplay, en frais d'atmosphère, en frais d'ambiance. Et c'est ce qui est la force, à mon avis, de Galaxy. Également, c'est un jeu qui a un haut taux de rejouabilité. On parle d'un jeu qui, si on veut le terminer au complet, on parle de 120 étoiles et je veux pas en dire trop, mais... Donc, on doit faire comme au Nintendo 64 et au GameCube, c'est refaire le même tableau plusieurs fois pour différents objectifs. Exactement. Et dans chaque tableau, on a bien sûr des étoiles cachées, donc il faut trouver dans le tableau une façon différente de finir le tableau. C'est presque impossible. En tout cas, moi, je me rappelle Mario Sunshine au GameCube, c'était souvent impossible de trouver certaines étoiles. Tirer de l'eau sur un oiseau dans un arbre, ou des affaires vraiment obscures, ou tirer de l'eau sur le sable d'une plage pour découvrir un logo. Wow, là. Si tu triches pas, c'est presque impossible. Il y en a qui sont très difficiles, effectivement. Et pour ma part, la plupart des étoiles cachées, je les ai trouvés par erreur. Ah oui. Le seul indice que le jeu nous donne, c'est que lorsqu'on finit les trois tableaux par galaxie, on a, lorsqu'on rejoue le tableau, un petit point d'interrogation pour savoir, pour nous indiquer dans quelle mission se trouve l'étoile secrète. C'est gentil. Ça, c'est déjà bien, mais quand même, certaines sont très difficiles. Et une nouveauté, bien sûr, qui dit galaxie, dit comète. Donc, on a une comète par tableau. Une deuxième viendra plus tard lorsqu'on aura cette condition. Et une comète, dans le fond, ça nous fait rejouer une des missions par tableau, mais avec des petites embûches. Par exemple, vous devez traverser le tableau avec un seul point de vie et non trois points de vie comme d'habitude. Vous devez traverser le tableau avec des ennemis qui vont plus vite. Donc, etc. Et ce sont vraiment des défis importants et intéressants aussi. Ouais, c'est bien. Et j'ai vraiment... Donc, l'immersion est excellente. Le gameplay est bien. Et je trouve personnellement que le jeu est long. Et on peut rejouer et rejouer et rejouer. Et la manette Wii est impliquée dans plusieurs missions. Donc, on sait que la manette Wii est un peu différente des autres manettes. Ouais. Et on a plusieurs tableaux, donc un peu plus funny, si vous voulez. OK, on a une course de raies qu'on peut contrôler notre véhicule raies avec la manette. Une autre, c'est une course en ballon qu'on peut donc contrôler le ballon aussi avec la manette. Donc, etc. Ce sont, bref, des petits ajouts qui paraissent peut-être pas importants, mais qui rendent le jeu vraiment plus fun. On sent vraiment contrôle de ce qu'on fait durant ces tableaux-là. Est-ce que la musique est aussi accrocheuse qu'au Super Nintendo, au 64? La musique était vraiment très, très bonne dans ces jeux-là de Mario. Ah oui, absolument. Et même, Nintendo a réussi à rapatrier des musiques classiques, des versions antérieures de Mario. Okay. Donc, pour les nostalgiques du jeu, vous allez reconnaître les musiques et dans les tableaux un petit peu spéciaux, vous allez comprendre à quel point que ça vous rappelle des beaux souvenirs et des tableaux très, très difficiles dans les versions précédentes. Donc oui, effectivement, la musique est excellente avec des vieux classiques. Et personnellement, ce que j'ai moins aimé du jeu, et ça, c'est vraiment très, très personnel, moi, j'ai acheté le jeu, et j'ai mis le setting en français. Donc, c'est en québécois, c'est ça? Exactement, c'est en québécois, et c'est vraiment en joual. Ah, c'est dégueulasse, j'ai vu quelques extraits, et ouf! Ça, honnêtement, bon, pour certaines personnes, ça peut, bon, c'est tel que tel, là. Mais pour les parents, vu que la Wii s'adresse principalement à un public plus jeune, les parents vont voir ça et vont se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants avec les jeux vidéo? Donc, il y a plusieurs petits égards linguistiques, mais lorsque c'est rendu que c'est la seule critique négative qu'on peut faire à un jeu, à mon avis, c'est parce qu'on a vraiment un jeu solide entre les mains. Et je pense honnêtement que juste pour Galaxy, ça vaut la peine de vous louer une Wii, de vous en acheter une si vous avez la chance. On peut louer la Wii? Oui, dans plusieurs quelques vidéos, effectivement. Ils en ont. Ça se loue, moyennant bien sûr un dépôt assez élevé en argent, et ça, c'est ce qui va freiner les avoirs de plusieurs personnes. Mm-hmm. Un dépôt en argent un montant très très dispendieux. Sinon, il va falloir attendre pour y jouer, parce que ça va être difficile d'en trouver une pour l'instant, Nintendo Wii, dans les magasins. Est-ce qu'il y a un mode multijoueur dans le jeu? Oui et non. Il y a une façon de jouer à plusieurs joueurs en même temps, mais ça prend deux manettes. Okay. Et bref, on se divise la tâche, parce que vous avez donc le Nunchuck qui dirige, et vous avez la Wii Remote qui vous font sauter, etc. Donc, en mode multijoueur, si on veut, une personne s'occupe du Nunchuck et l'autre personne s'occupe de la Wii Remote. C'est pas vraiment un mode multijoueur, mais c'est théoriquement possible de jouer à plus qu'un joueur en même temps dans Galaxy. D'accord. Donc, le résultat final, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on passe? Moi, j'achète. T'achètes. Je l'ai acheté et je ne regrette pas. C'est un jeu très divertissant avec parents, amis. C'est un jeu, ça garantit des heures de plaisir avec plusieurs mondes diversifiés. On n'a pas l'impression de rejouer toujours le même tableau. Et c'est ce qui fait de Galaxy un jeu à acheter. Ça donne vraiment l'envie d'y jouer. Est-ce que tu veux donner une cote? Moi, je suis pas très fan de cotes à la connexion. On n'aime pas tellement les cotes. On va y aller sur une cote, peut-être sur 9, mettons. Et note-moi ça en termes de tuyaux, s'il te plaît. Moi, j'aurais 8,5 tuyaux sur 9 pour Galaxy. C'est très, très beau. Solide. Très solide. Merci, Alexandre Thibodeau. Petit résumé de la fin. Super Mario Galaxy, c'est sur Nintendo Wii. C'est édité par Nintendo, développé par Nintendo dans le genre action plateforme pour deux joueurs, en théorie, comme tu disais. La cote selon le SRB, c'est 1 pour tous. C'est sorti le 12 novembre 2007. La note selon Metacritic, qui rassemble les notes de plusieurs critiques, qui en fait 68, ça donne 97, donc c'est acclamé par la critique. Et les gens du public ont donné une note de 93 sur 100, basée sur 604 votes, donc un jeu à recommander à tout le monde. Merci encore une fois, Alexandre. Plaisir. On s'en va entendre une pièce de Galactic, et c'est What You Need à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM. Okay, well, what we'll do is we'll just shrink down to large, you know what I mean? It'll be all good, no problem. How much jet cigarettes, trade and rents and vinaigrette. I got some cable nets made by kids in Bangladesh. Letters, numbers, color shit, you can buy them all on the corner right here, right there. I take on calls, chase calls, green calls, the race calls, and any legal tender with a white man in the center. You want it, baby, I got it. La formation galactique est la pièce What You Need with Lyrics Born. C'est l'album From the Corner to the Block. Maintenant, c'est le fil jeux vidéo. Donc, parlons des nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. On commence par deux nouvelles de Hardgamers.com. Electronic Arts va conserver la licence de la NFL au-delà de 2009. La firme a conclu une nouvelle entente avec la National Football League et la NFL Players Association afin de conserver les droits exclusifs reliés à la NFL jusqu'à la saison 2012 du football américain. Ça signifie donc que Electronic Arts sera le seul concepteur et distributeur de jeux de football basés sur la NFL jusqu'en 2012 sur toutes les plateformes disponibles sur le marché. Et une petite nouvelle assez cocasse, un jeune garçon américain âgé d'une douzaine d'années a dû être traité pour des brûlures au deuxième degré après que sa PSP se soit mise à brûler dans la poche de ses pantalons. Cocasse est peut-être le mot, pas exactement le mot à choisir pour cette nouvelle-là, mais bon, c'est Hardgamers.com qui le dit. Le jeune garçon se trouvait à l'école au moment de l'incident. La PSP est devenue soudain très chaude et les pantalons ont pris en feu. La victime a été transportée à l'hôpital, mais elle est revenue à l'école dans le courant de la journée. Selon les études préliminaires, le feu aurait démarré dans le compartiment à batterie, mais rien n'est officiel pour l'instant. Fait intéressant, le jeu qui était à l'intérieur de la PSP au moment du drame était Burnout Legends. Burnout. La nouvelle vient d'Hardgamers via le site de RageHardware.co.uk. Nouvelle de JeuXpress.com maintenant, une petite nouvelle pour annoncer en primeur, dit JeuXpress, qu'après la sortie au Canada de Super Smash Bros. Brawl, Nintendo tiendra des tournois à travers le Canada dans les EB Games. Sans trop dévoiler de détails, le représentant affirme que les prix seront très intéressants et que le tournoi débutera environ un mois après la sortie du jeu, qui est prévu pour le 9 mars. Les détails officiels devraient paraître d'ici peu sur le site de Nintendo Canada, la nouvelle date du 13 février, donc d'hier si vous écoutez en direct, mais ils vont nous tenir au courant. Un aperçu de Super Smash Bros. Brawl sera en ligne dans les prochaines heures, d'ailleurs, dit l'article. Un aperçu hands-on, donc si vous voulez voir de quoi le jeu a l'air, précipitez-vous sur l'article du Unechance.com. C'est le site de l'émission, le www.unechance.com. Bizarre Studios a annoncé l'arrivée imminente de deux mises à jour pour Project Gotham Racing 4. C'est un cadeau de Saint-Valentin. Donc, le 14 février, aujourd'hui, il sera d'abord possible de télécharger gratuitement une nouvelle voiture, la Peugeot Flux, et deux nouveaux modes, Touriste et Free Roam Cat and Mouse. Dans le premier, les joueurs vont pouvoir se promener à leur guise dans les différentes villes sans se soucier d'être performants. De son côté, Free Roam Cat and Mouse est l'équivalent de jouer à la tag, alors qu'un des véhicules plus lents sera poursuivi par des plus rapides. La deuxième mise à jour, le Premium Challenge Pack, sera offerte pour 400 points et elle inclura 7 voitures et 3 nouvelles motos. Elle ajoutera ainsi le World Challenge Arcade Mode, une série de 20 événements d'arcade. Et le pack en question ajoutera aussi 170 points Achievement. C'est le cadeau de Saint-Valentin pour Project Gotham Racing 4. Selon l'Entertainment Software Rating Board, le SRB, le pourcentage de jeux cotés matures a diminué de moitié entre 2005 et 2007. La présidente Patricia Vance affirme ainsi que le nombre que le nombre de produits matures est en baisse, même si le nombre de jeux augmente. Il faut dire que les services comme Xbox Live Arcade, la Virtual Console de la Nintendo Wii et le PlayStation Store ajoutent un nombre considérable de jeux qui sont rarement cotés matures. En 2007, 1563 jeux ont reçu une cote, une hausse de 22% par rapport à 2006. La très grande majorité, 94%, ont reçu une note T, E10 plus ou E. La catégorie E pour tous se représente à elle seule 60% des jeux. Des chiffres surprenants, dit l'article, lorsqu'on constate à quel point les jeux matures reçoivent une couverture médiatique importante. Et tiens, finalement, une nouvelle sur le film de Grand Theft Auto en réponse à la nouvelle de Variety. qui, sous la plume de Ben Fritz, une entente entre un gros studio hollywoodien et Rockstar a virtuellement été signée. C'est ce que disait la nouvelle au départ, afin de produire un film basé sur la franchise Grand Theft Auto. Donc, maintenant, la nouvelle a été mise à jour selon le vice-président au développement de Rockstar, Dan Houser. Lui, il a nié que sa compagnie ait sérieusement considéré un tel film. Et je cite, « Certains producteurs ont essayé de créer quelque chose afin de nous inciter à faire un film. » Il a ajouté, « Cette proposition n'était pas plus intéressante que les autres que nous avons reçues. Nous n'avons jamais eu l'intention d'accepter le projet. » Donc, apparemment que le film sur Grand Theft Auto a été avorté. Deux nouvelles de GameCult.com maintenant. Généralement bien informé, Dean Takahashi de Mercury News rapporte sur son blog que plusieurs grands acteurs du PC seraient sur le point d'associer leurs forces afin de créer un consortium baptisé PC Gaming Alliance. Celui-ci regrouperait sous la même bannière Intel, Microsoft, Nvidia et AMD, tous cherchant à redynamiser le jeu vidéo sur PC face aux consoles. L'objectif serait de garder le support compétitif, mais aussi plus attrayant, en essayant notamment de supprimer les éternels problèmes de compatibilité. Une annonce officialisant cette association pourrait être faite lors de la Game Developers Conference, pardon, qui se tiendra la semaine prochaine. Et là, l'article date de cette semaine, donc c'est la semaine prochaine. La semaine, si je regarde mon super calendrier, la semaine du 18. Ça se tient à San Francisco, aux États-Unis. En attendant, on prendra évidemment ces informations avec les pincettes de rigueur, dit GameCult. Namco annonce qu'il va fermer un grand nombre de ses salles d'arcade au Japon, une décision expliquée par la société par le grand succès rencontré par la Wii de Nintendo, une machine qui entrerait en concurrence directe avec son secteur d'activité, les arcades. Et je cite, « Beaucoup de jeux auxquels jouaient les gens dans les salles d'arcade peuvent maintenant être pratiqués sur Wii », c'est ce qu'a commenté Yuji Mashida, porte-parole de la firme. Un constat rappelant aussi celui de Tommy, spécialiste du jouet, qui avait également cité la popularité de la Wii comme l'une des causes de ses objectifs en forte baisse. Namco a par ailleurs dévoilé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale, achevé le 31 décembre. Sur cette période, il a enregistré une légère hausse de chiffre d'affaires à 336 milliards de yens et un bénéfice net en baisse de 32%. Quelques nouvelles de jeuxvideo.com. Jusqu'à présent, la Coupe du monde des jeux vidéo ou l'Electronic Sports World Cup était un événement assez centré sur la France puisqu'organisé par une société française Games Service dans des villes françaises à Poitiers puis à Paris. Mais pour l'édition 2008, l'heure est à l'internationalisation. Elle se tiendra à San José en Californie du 25 au 27 août 2008. Si le premier réflexe gaulois serait de regretter cet éloignement, cette ouverture sur le monde est plutôt une bonne nouvelle, dit jeuxvideo.com. On imagine pas une Coupe du monde sportive va être toujours organisée par le même pays. Au programme cette année, les habituels tournois de Counter-Strike, Warcraft 3 et Trackmania Nations. On note l'arrivée de Defense of the Ancients, célèbre map custom pour Frozen Throne, le Warcraft 3, et le retour du bon vieux Quake 3 en lieu et place de Quake 4. En revanche, Pro Evolution Soccer risque bien de disparaître si Konami ne donne pas son accord rapidement. Dans un entretien accordé au site Kotaku, le patron de Crytek, Sevat Yerli, confirme que Crysis fera son chemin jusqu'aux salles obscures, c'est-à-dire les cinémas. Le directeur du film n'a pas encore été officiellement choisi, mais il devrait être annoncé avant la fin de l'année, dit jeuxvideo.com. Et finalement, comme chaque année, depuis maintenant 11 ans, les membres de l'Academy of Interactive Arts and Sciences se sont réunis pour récompenser les jeux de 2007. Un classement sans grande surprise, dit jeuxvideo.com, mais avec quelques bizarreries comme l'absence de distinction entre l'aventure et la plateforme, ou bien sur la victoire de Mass Effect en lieu et place de The Witcher comme jeu de rôle de l'année. Donc, leur palmarès, je vous les nomme, ces jeux qui ont gagné. On retrouve Call of Duty 4 Modern Warfare comme jeu de l'année. Le jeu PC de l'année, c'est The Orange Box. Le jeu console de l'année est encore une fois Call of Duty 4. Jeu portable de l'année, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Jeu mobile de l'année, Skate. Jeu téléchargeable, Puzzle Quest Challenge of the Warlords. Rock Band a été consacré, c'est ce qu'on dit ça comme ça, jeu familial de l'année. Mass Effect, c'est le jeu de rôle de l'année. MotorStorm comme jeu de course. Super Mario Galaxy, on en parlait plus tôt, jeu d'aventure de l'année. Jeu de sport, c'est encore Skate. Jeu de stratégie, Command & Conquer 3, les guerres du Tiberium. Jeu d'action de l'année, Call of Duty 4. Jeu massivement multijoueur, World of Warcraft, The Burning Crusade. Ensuite, on retrouve Assassin's Creed comme meilleure animation, Bioshock comme meilleure direction artistique, Crysis comme meilleure performance technique, meilleur personnage dans le jeu Portal, meilleure histoire pour Bioshock, meilleur gameplay pour Portal, meilleur gameplay online, Call of Duty 4, il en reste que 5. Meilleure composition musicale, Bioshock, meilleure bande originale, Rock Band, meilleur son, Bioshock, meilleur game design, Portal, et finalement, meilleure innovation, Rock Band. Difficile de passer de l'anglais au français avec des expressions anglaises dans les noms des prix, mais bon. Pendant que je fais le tour des nouvelles de jeux vidéo, regardons le palmarès des jeux les plus loués au Superclub Vidéotron la semaine dernière. En cinquième, on retrouve Assassin's Creed sur 360. En quatrième, Call of Duty 4 Modern Warfare sur la 360. En deuxième, Burnout Paradise sur la 360. En deuxième, c'est Turok sur la 360. Et encore une fois sur la 360, le numéro 1, c'est Devil May Cry 4. Vous écoutez La Connexion à C'est Fou 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Des bras et le sang, ça siffle, ce n'est pas vivant. Crache dans les poubelles, pleine de verre et de nourriture souillée. Tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux, tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. Par la fenêtre, tu vises les torches. Venir vers toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout et sont muets. Mais largement, je vous épave. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. Qui quitte les corps morts, prend son temps avec une pioche, tu les traverseras. Ils sont debout et sont muets, mais l'armement je vos épave. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impile, l'imprudent, l'impertinent. Au retour, couper Internet pour réduire le piratage et un Marocain est emprisonné pour avoir créé un faux profil sur Facebook. C'est dans La Connexion au 89.1 FM. Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus rapide au monde. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, le bloc Cybercrime, on va parler de la Cour supérieure du Québec qui ordonne la désactivation d'un forum. On va aussi parler d'un Chinois qui poursuit Yahoo et Google. Mais avant, voici une pièce de la formation Madcaps. C'est à Surrender, Surrender. C'est l'album Kiss the Lion. I'm sure. Madcap, c'est Surrender à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure du bloc cybercrime. Des nouvelles de tout ce qui est illégal, tout ce qui est croche, tout ce qui est pas correct dans le domaine de la technologie. On commence au Québec. La ville de Rawdon a obtenu une injonction de la cour pour mettre fin à des discussions diffamatoires tenues à son endroit sur un forum de discussion. La ville de Rawdon a mis fin à des discussions haineuses et diffamatoires tenues à son endroit sur un forum en obtenant une injonction de la Cour supérieure du Québec ordonnant de désactiver et de retirer du réseau Internet le forum de discussion. Depuis 2004, les administrateurs de la ville auraient été comparés à Staline, à Hitler, au SS et à des psychopathes, peut-on lire dans le document de la poursuite obtenu par l'hebdo régional L'Expression. Lors d'une séance spéciale du conseil municipal de Rawdon tenue le 29 janvier, où a été adopté le dépôt d'une mise en demeure, les élus soulignent dans leur procès-verbal que les propos tenus sur le forum, et je cite, allaient au-delà de la liberté d'expression reconnue à tout citoyen et étaient le reflet d'un acte fautif, délibéré, répréhensible, commis sans justification. Les personnes visées par cette injonction, soit l'hébergeur du site, l'administrateur du forum et 5 citoyens, ne sont toutefois pas rétractées. Pour Beverly Prudhomme, l'une des citoyennes visées par l'injonction, il n'est pas question de s'excuser et je cite « Les élus sont des personnages publics. S'ils font quelque chose de ridicule, j'ai le droit de rire d'eux. On a le droit de s'exprimer. Je n'ai jamais menacé personne. La municipalité essaie de nous intimider. » C'est ce qu'elle a expliqué au journal L'Expression. Le gouvernement britannique préparait actuellement un projet de loi pour forcer les fournisseurs d'accès Internet à couper la connexion aux internautes qui téléchargent ou distribuent illégalement de la musique et des films dans les réseaux d'échange de fichiers, selon la BBC. Le gouvernement britannique a cependant indiqué que le projet de loi n'était qu'à une étape préliminaire et que d'autres options sont également envisagées. Selon les statistiques les plus récentes, 6 millions d'internautes britanniques téléchargeraient illégalement des fichiers sur le web ou dans les réseaux de partage de fichiers, ce qui ferait perdre des millions de livres sterling à l'industrie britannique du divertissement. Sans vouloir donner davantage de détails sur le projet de loi, un porte-parole du ministère britannique de la Culture et des Communications a indiqué que le principal objectif de la loi serait de, et je cite, « stimuler davantage la créativité de l'industrie du divertissement ». L'annonce de ce projet de loi survient au même moment où les trois principaux fournisseurs d'accès Internet britanniques, BT, Virgin et Tiscali, négocient avec l'industrie du divertissement afin de trouver un moyen d'endiguer le problème du piratage. Bien que les fournisseurs appuient l'idée de combattre la prolifération des échanges illégaux de musique et de films, ils soutiennent en revanche qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables de tout ça. Plusieurs utilisateurs qui souhaitaient quitter Facebook réalisent qu'il est presque impossible d'effacer complètement leur profil. Le New York Times rapportait dans son édition du 11 février les difficultés vécues par plusieurs utilisateurs de Facebook qui ont voulu quitter le populaire réseau social sans laisser de traces. Bien que le site Internet offre la possibilité à ses utilisateurs de désactiver leur profil, Facebook garde en permanence toutes les informations reliées à ce profil. De plus, plusieurs utilisateurs ayant contacté la compagnie pour effacer définitivement ces informations n'ont pas réussi à le faire. Le New York Times cite le cas d'un utilisateur qui, pendant 2 mois d'échange de courriel avec le service à la clientèle et une menace de poursuite, est finalement parvenu à effacer une partie de son profil. Or, il était toujours possible d'accéder à la page vide de l'utilisateur et un journaliste est même parvenu à lui envoyer un courriel via une adresse toujours disponible dans le profil. Facebook défend cette pratique en affirmant qu'elle facilite ainsi la tâche aux ex-utilisateurs qui retrouvent leurs anciens profils lorsqu'ils décident de réactiver leur compte. En raison des difficultés vécues par les utilisateurs désirant quitter le réseau, plusieurs marches à suivre mises sur pied par d'ex-membres apparaissent à l'intérieur et à l'extérieur du site de Facebook. Si vous voulez plus d'informations pour effacer votre compte Facebook, allez sur l'article. Il y a une méthode sur le site de Facebook en tant que tel, mais le lien est dans l'article « Profil tenace sur Facebook » que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission, le www.unechance.com. Un ingénieur marocain de 26 ans a été arrêté à Casablanca le 5 février pour avoir créé un faux profil sur le site Facebook au nom du frère du roi Mohamed VI, le prince Mouli Rachid. Le procès de Fouad Murtada devrait avoir lieu le 15 février, demain. Pour le moment, aucun chef d'accusation n'est connu et le seul tort à avoir été rapporté par l'agence Maghreb Arab Presse, citant des sources policières, est la création de ce faux profil Facebook. La création de fausses identités de célébrités sur Facebook est pourtant chose commune. En date du 12 février, au moins 9 Sakou Koivu, quelques Jean-Paul II et une fausse Maman Dion sévissaient également sur Facebook, selon l'article de branchez-vous.com. Selon un comité de soutien à Fouad Murtada, le jeune ingénieur s'est vu refuser la libération conditionnelle. Il a fallu 2 jours pour que sa famille n'obtienne de ses nouvelles via un communiqué de presse après son arrestation. Mais c'est pas la première fois que le Maroc gère Internet et les nouvelles technologies de façon douteuse, dit l'article. Ces dernières années, le gouvernement a notamment bloqué l'accès à Google Earth, à Google Maps et au site de blog LiveJournal. L'accès à YouTube a également été bloqué pendant environ un mois l'an dernier. Si vous voulez aller voir le site En défense de Fouad Mortada, en fait, c'est un article, je crois, En défense de Fouad Mortada. Allez voir l'article, un Marocain emprisonné pour avoir créé un faux profil Facebook. C'est sur leunechance.com. Et finalement, dans une lettre ouverte datée de la semaine dernière, le professeur chinois Guo Quan affirme son intention de poursuivre les deux moteurs de recherche, Yahoo et Google, pour l'avoir exclu de leurs résultats. Après avoir fondé un parti démocratique s'opposant au régime actuellement en place, Guo a été démis de ses fonctions au sein de l'université où il travaillait pour avoir enfreint la constitution chinoise, qui stipule que la Chine doit être gouvernée sous le leadership du Parti communiste. Il travaillait comme expert en littérature classique chinoise et sur le massacre de Nanjing, pendant lequel des civils chinois ont été tués par des Japonais en 1937. Voilà. Selon le professeur, les moteurs qui censurent les résultats de recherche contenant son nom ont enfreint ses droits politiques, tout comme la cyberpolice chinoise l'a fait en fermant son blog l'année dernière, et je cite: ils ont enfreint mon droit à mon nom et le droit de tous les Guo Quan, puisqu'on n'y trouve rien sur ce nom. Les moteurs de recherche prétendent quant à eux ne rien pouvoir faire puisqu'ils se doivent de suivre à la ligne de conduite. C'est dur à lire. Puisqu'ils se doivent de suivre la ligne de conduite dictée par le gouvernement chinois pour pouvoir faire affaire au pays. Guo dit comprendre la décision de Baidu, le moteur de recherche basé en Chine, mais croit que Google et Yahoo, des compagnies américaines, ne devraient pas censurer leurs résultats en Chine. Et je cite: j'espère que la poursuite sensibilisera la population quant aux droits humains en Chine. L'Internet devrait être libre. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles de cybercriminalité. Maintenant, parlons de choses croches. Allons voir les jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. C'est là que vous pouvez trouver des méthodes pour passer à travers un jeu sans avoir à trop vous forcer. Top 5, 5e position, Final Fantasy XII sur la PS2. En 4e, c'est COD4 Modern Warfare sur la 360. En 3e, Devil May Cry 4 sur la PS3. En 2e, le même jeu sur la 360. Et le jeu le plus triché en ce moment, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Tout de suite, voici une pièce d'El Motor, Dea del Ceso, au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Une autre très bonne pièce d'El Motor Dea del Cesso, c'est de leur album éponyme à la collection Assez Fou 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure de parler de nouveautés en magasin dans la chronique, bientôt sur vos écrans. Semaine qui marque l'arrivée en Amérique du Nord du controversé mais intéressant Lost Odyssey sur Xbox 360. Ça, c'est selon rgamers.com. Donc, voici les nouveautés en magasin cette semaine. Commençons par les multiplateformes Dungeon Explorer Warrior of the Ancient Arts sur DS et PSP. Il y a Jumper sur PS2, Nintendo Wii et Xbox 360. Conflict Denied Up sur PC, PS3 et 360. Dora the Explorer, Dora Saves the Mermaids sur PS2 et Nintendo Wii. Et un autre jeu pour enfants, Go Diego Go Safari Rescue sur PS2 et Nintendo Wii. Sur la Nintendo DS maintenant, Professor Layton and the Curious Village de Nintendo et Barnyard Blast de DSi Games. Sur PC, RPG Maker VX de Enterbrain, Carrier Strike Force, My Horse and Me, Abra Academy, Mystery Case Files Madame Fate, Spaceform Captains, 13th Century Death or Glory et finalement Penumbra Black Plague. Sur la PlayStation 2 maintenant, Innocent Life a Futuristic Harvest Moon Special Edition. Ça a l'air bon. Sur PSP, Wipeout Pulse et Chessmaster The Art of Learning. Sur la Nintendo Wii, le seul et unique jeu, c'est London Taxi Rush Hour de Destinir. Et finalement, sur Xbox 360, on retrouve Lost Odyssey de Microsoft et Dark Messiah of Might and Magic Elements de Ubisoft. Sur la Virtual Console, Nintendo a ajouté deux classiques. Sur la Wii, pourquoi pas? Afin de rappeler à certains les plaisirs de la vie de ferme, vous pouvez désormais mettre la main sur Harvest Moon, tandis que ceux désirant un bon jeu d'action pourront se rabattre sur Lords of Thunder. Ça, sur la console virtuelle de la Nintendo Wii. Selon Jouer.com, vous pouvez marquer vos calendriers. Spore, la dernière idée sortie du cerveau du génial Will Wright, le créateur de SimCity et des Sims, sera disponible dans 239 jours, le 7 septembre 2008. C'est ce que Electronic Arts a confirmé avec la bénédiction de Will Wright, qui est présentement à peaufiner le jeu avec son équipe. Spore s'annonce audacieux puisqu'il permettra aux joueurs de suivre l'évolution d'une cellule jusqu'à la conquête de la galaxie, rien de moins. Les joueurs veilleront d'abord au développement d'une cellule luttant pour sa survie, puis assisteront à la naissance d'une créature intelligente qui évoluera continuellement. Le jeu proposera des mécaniques de jeu variées puisque vous aurez à construire des cités, combattre des ennemis et voyager dans l'espace. Ce jeu, qui devrait être à la hauteur des ambitions de Will Wright, paraîtra sur PC et Mac dans un premier temps. Il y a aussi une version DS qui va s'appeler Spore Creatures. Elle s'avérera plus limitée, évidemment, que le jeu prévu sur ordinateur. Il est possible que Spore soit offert ensuite sur Xbox 360, PS3 et Nintendo Wii. Le site rgamers.com a assisté à une avant-première du jeu Super Smash Bros. Brawl, dont un aperçu apparaîtra prochainement sur le site de rgamers. Ils ont pu apprendre en exclusivité qu'une version française du jeu est en préparation et qu'elle verra le jour au Québec. Ils n'ont pas pu savoir quand elle sera disponible, bien qu'il soit fort probable qu'elle le sera au moment où le jeu sera lancé dans la langue de Molière en France. Plus de détails sont à venir là-dessus. Electronic Arts réserve une belle surprise aux fans de la franchise Command & Conquer. La série Red Alert effectuera un retour sur PC selon la dernière édition du magazine PC Gamer. On ne sait rien sur le jeu pour le moment, bien que les rédacteurs du magazine dévoileront de nombreux détails sur le prochain Red Alert lorsque l'édition du mois d'avril paraîtra le 4 mars. Croyez-le ou non, toujours selon rgamers.com, les concours des plus gros mangeurs auront bientôt droit à leurs propres jeux vidéo. En effet, la compagnie américaine Mastiff a annoncé qu'elle concevra des jeux basés sur la franchise Major League Eating. Le premier de ces jeux, qui se nommera Major League Eating The Game, vous permettra d'incarner 12 des plus gros mangeurs de la planète à travers 12 types de compétitions. Tout comme dans un jeu de combat, vous aurez à maîtriser plusieurs habiletés offensives et défensives, incluant les ronds et les gaz à l'odeur de moutarde. Maturité, super. Bien sûr, vous devrez aussi vous assurer que l'estomac de votre athlète ne tournera pas à l'envers afin de ne pas perdre une bataille. Aucune plateforme et aucune date de sortie n'ont encore été annoncées pour ce jeu. Et finalement, pendant la conférence téléphonique visant à dévoiler les résultats financiers de Activision, qui s'appellera bientôt Activision Blizzard, il a été permis d'apprendre que la franchise Tony Hawk ne sera pas abandonnée malgré la piètre performance des derniers volets. La compagnie a toutefois l'intention de réinventer la formule, notamment suite au succès de Skate de Electronic Arts. Activision a aussi répété que des suites pour Guitar Hero, Call of Duty, Spider-Man et Marvel Ultimate Alliance sont dans les plans. L'entreprise travaille aussi sur son premier jeu basé sur la franchise James Bond et elle prévoit le sortir l'automne prochain en même temps que le prochain film de l'agent 007. L'article vient de Jeux Express, de jeuxexpress.com. C'est bien ça, jeuxexpress.com. Voilà pour les jeux qui s'en viennent bientôt en magasin et bientôt sur vos écrans. Maintenant, on continue la suite de la série en concert qui se nomme Final Fantasy VII Voices of the Life Stream. On est rendu au deuxième CD. Il y a 4 CD dans cette superbe série Final Fantasy VII Voices of the Life Stream. On n'écoutera pas la série au complet là, parce qu'il y a au-dessus d'une quarantaine de pièces. Enfin, il y en a 45 sur 4 disques. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, vu qu'on a terminé le premier CD, c'est entendre les premières pièces du deuxième. Ensuite, on va entendre la fin du deuxième disque, le début du troisième, la fin du troisième, jusqu'à la fin, comme ça, pendant les prochaines semaines. Aujourd'hui, ce qu'on écoute, c'est DJ Pretzel et Vigilante avec la pièce Short Skirt Tifa's Theme, qui sera suivie dans la deuxième heure de l'émission par Jeremy Robson et la pièce Vals Harris. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Au 89.1 FM, restez avec nous. Plein de bonnes choses dans la deuxième heure. Hein. Plein. Same old crap, well have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube. From a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make a daughter cry. I apologize the same time. Sorry Miss Jackson. Almighty Jay-Z's Girls, it's girls I do adore. You put your name on this paper, cause I would love to date you, holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now, 2555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus rapide au monde. Je me nomme Mathieu Plante. 45 minutes qui nous restent, c'est bien ça, 45 minutes pour parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans cette deuxième heure, on va faire le fil informatique et le fil technologique. Mais avant, on continue notre très, très, très bonne... Il faut l'avouer, hein, elle est très bonne, cette série en concert. C'est Final Fantasy VII Voices of the Life Stream. Et on y va avec la deuxième pièce du deuxième album de cette série. C'est Jeremy Robson et Vals Harris. Tantôt, juste après, on va terminer ce deuxième disque. On y va comme ça, là, parce que c'est la fin. Il y a quand même 4 disques là-dedans. On va pas s'éterniser non plus. On va écouter la fin du deuxième disque. Et la semaine prochaine, on fera le troisième. Mais la semaine d'après, le quatrième. Vous écoutez La Connexion. Ah, c'est fou 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Thank you. La pièce Valse Iris, Flowers Blooming in the Church de Jeremy Robson, c'est la deuxième pièce du deuxième CD de la collection Final Fantasy VII Voices of the Live Stream. C'est notre série en concert depuis plusieurs semaines. On va se rendre jusqu'à la fin de ces 45 pièces sur 4 disques de Final Fantasy VII Voices of the Live Stream. Les 4 CD, c'est Crisis Core, Dirge of Cerberus, Advent Children et Last Order. Si vous voulez télécharger les pièces, télécharger la pochette de l'album et vous créer votre propre album, peut-être le donner en cadeau, le garder pour vous. Hein, passez par le ff7.ocremix.org ou allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. www.unechance.com. On va laisser terminer cette pièce de Jeremy Robson pendant qu'on parle un petit peu d'informatique avec le fil informatique. Le géant informatique américain Microsoft a jugé malheureux le rejet officiel de son offre de rachat par le groupe Yahoo lundi le 11 février, estimant que l'opération était dans l'intérêt de toutes les parties. La réponse de Yahoo ne change en rien notre opinion sur la pertinence stratégique et financière de notre proposition, c'est ce qu'a souligné Microsoft dans un communiqué. Un rapprochement Microsoft-Yahoo créerait un groupe plus rentable et fournirait des services de meilleure qualité et une valeur plus élevée à ses investisseurs, a précisé le géant informatique américain. Il a par ailleurs expliqué qu'il se réservait le droit de recourir à toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que tout est mis en œuvre pour que les actionnaires de Yahoo se rendent compte de la valeur de sa proposition, ne semblant pas enclin à relever le montant de son offre. L'offre de 44,6 milliards de dollars US a été rendue publique le 1er février par Microsoft. Une telle opération permettrait aux géants informatiques de se poser en concurrent de poids face à Google sur le marché de la publicité en ligne. Cependant, le groupe Yahoo a officiellement rejeté l'offre lundi, estimant qu'elle le sous-valorisait considérablement. Le montant de l'offre correspond à 31 dollars US par action, en numéraire et en action. De nombreux analystes s'attendent à ce que Microsoft relève son offre de 5 à 12 milliards de dollars US. Selon une source proche du dossier, Yahoo exigerait une offre d'au moins 56 milliards de dollars US, soit environ 40 dollars par action. Le groupe a précisé que son conseil d'administration avait attentivement examiné l'offre d'achat non sollicitée de Microsoft avec la direction et les conseillers financiers et juridiques de Yahoo et avait conclu à l'unanimité que l'offre d'achat n'est pas dans l'intérêt de Yahoo et de ses actionnaires. Yahoo n'a pas totalement exclu un rachat du groupe, soulignant que son conseil d'administration continue d'examiner toutes ses options stratégiques dans une industrie qui évolue très rapidement. Il cherche avant tout des initiatives qui accroissent la valeur pour tous les actionnaires. Voilà. Selon le quotidien britannique The Times, qui cite une source non identifiée, le groupe cherche à reprendre les négociations en vue d'une fusion avec AOL, la filiale Internet de Time Warner. L'objectif serait de se défendre contre l'offre non sollicitée de Microsoft. Un porte-parole de Yahoo a refusé de commenter l'information. D'éventuels rapprochements avec Google et Walt Disney seraient également à l'étude. Je vous rappelle que l'article date d'avant-hier, le mardi 12 février. On vous tiendra au courant pendant les prochaines semaines. Dans un courrier adressé aux employés, le chef de la direction de Yahoo, Jerry Yang, a déclaré que le groupe met en place les éléments nécessaires pour accélérer la croissance en devenant le passage obligé des utilisateurs et des annonceurs. Selon lui, le marché mondial de la publicité en ligne devrait croître de 45 milliards de dollars en 2007 à 75 milliards de dollars en 2010. Et je cite, « Nos nouvelles positions stratégiques nous permettent de prendre une plus grande part de ce marché. La décision de Yahoo ouvre une période difficile pour le conseil d'administration du groupe. Les administrateurs ont envisagé plusieurs scénarios afin de résister à Microsoft, tels que la sous-traitance des activités de recherche et publicité à Google afin de stimuler le chiffre d'affaires. » C'est ce qu'ont indiqué les personnes proches du dossier au Wall Street Journal. Ce qui commence derrière moi, c'est la prochaine partie de la série en concert. C'est la dernière pièce du deuxième CD. L'artiste Highbound et la pièce Mark of the Beatsmith, Mark of a Traitor. On écoute le début de la pièce et on revient avec la suite du fil informatique dans quelques minutes. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM. La musique de Final Fantasy reprise à merveille dans la série Final Fantasy VII Voices of the Livestream. Ça, c'était l'artiste Highbound. Et la pièce Mark of the Beatsmith, basée sur la pièce Mark of a Traitor du jeu Final Fantasy VII. Si vous voulez entendre le reste de cette série, vraiment excellente série, allez voir le ff7.ocremix.org ou passez par le site de l'émission, beaucoup plus simple, au www.unechance.com. On continue les nouvelles informatiques pendant que la pièce se joue toujours derrière moi. En échange de 500 000 $, un Québécois offre son pancréas à la recherche, à la recherche scientifique sur deux sites d'enchères. Souffrant de nisidioblastose, une maladie rare provoquant des crises d'hypoglycémie, Mario Meunier ne compte pas se défiler devant le verdict des médecins qui lui prescrivent une ablation partielle de son pancréas. Mais Meunier veut que son organe serve à la science. L'homme de 36 ans lance un appel aux chercheurs désireux d'étudier son cas en échange de 500 000 $. C'est grâce au site eBay et BidOfferBuy que Mario Meunier espère ainsi attirer l'attention sur sa maladie, selon le quotidien La Presse. L'homme cherche à prouver que la maladie dont il est victime est liée à une chirurgie de l'obésité, une chirurgie bariatrique qu'il a eue en 2000. L'ablation de son pancréas aurait pu se dérouler le 21 février à l'hôpital Saint-Luc à Montréal, mais Mario Meunier a refusé de donner son organe à l'hôpital comme le stipule le formulaire de consentement d'opération, et ce, malgré le fait qu'une loi provinciale interdise de conserver ses organes après une intervention chirurgicale. Mario Meunier avait également fait l'objet de reportages du Journal de Québec en novembre 2007 au sujet de sa nisidioblastose qui, selon le journal, n'avait été documentée que chez seulement 7 autres cas dans le monde. L'article vient de branchezvous.com. Lors d'un test éclair réalisé par le Journal de Montréal, 6 réparateurs informatiques sur 12 auraient été incapables de régler un problème technique relativement simple. Le Journal de Montréal a demandé à 10 réparateurs en atelier, autant dans les grandes surfaces que dans de petites boutiques informatiques, de faire démarrer un ordinateur dont l'une des barrettes de mémoire vive était défectueuse et devait être retirée pour que le PC puisse fonctionner à nouveau normalement. 2 autres réparateurs qui se déplacent à domicile au domicile de leurs clients devaient quant à eux réparer un ordinateur dont les 2 embouts du câble reliant le boîtier à l'écran étaient légèrement déformés. Selon le quotidien de Montréalais, la moitié seulement des réparateurs ont correctement identifié les problèmes des 2 ordinateurs, facturant aux journalistes entre 25 et 45 $ pour leur service. Parmi ceux qui n'ont pas été en mesure de réparer l'un des 2 problèmes techniques, un technicien informatique a conseillé aux journalistes d'acheter un tout nouvel ordinateur pour 500 $, alors qu'un autre l'a facturé 50 $ sans identifier la source de la défectuosité. Un 3e technicien a quant à lui tenté de résoudre le problème pendant plus de 3 semaines sans succès. Selon le Journal de Montréal, il n'y aurait cependant aucun lien entre la taille de magasin et son taux de succès, puisque les réparateurs informatiques des grandes surfaces, autant que ceux des petites boutiques, ont connu des taux similaires d'échecs ou de réussite. Pour lire l'article du Journal de Montréal, passez par l'article de Branchez-vous qui s'appelle « Des réparateurs informatiques incompétents » sur le unechance.com. Une série américaine diffusée sur MySpace et YouTube sera produite pour la télévision américaine. Depuis novembre 2006, 3 hommes dans la vingtaine diffusent des épisodes d'une série qu'ils produisent sans aucun budget. Tournée les soirs, la semaine et les fins de semaine, We Need Girlfriends raconte les hauts et les bas sentimentaux de 3 colocs du quartier Queens à New York. Afin de promouvoir la série, les 3 producteurs qui ont fondé Ragtag Productions ont tout d'abord créé un MySpace avec le profil des 3 personnages fictifs. Les 11 épisodes de la série ont ensuite été tournés et mis en ligne une fois par mois à minuit. Vu des millions de fois sur MySpace et YouTube, le phénomène viral a attiré l'attention des grands médias, dont CBS qui en a acquis les droits. Un pilote de la série est actuellement en production avec Darren Star de Sex and the City qui agira à titre de producteur exécutif. Ragtag Productions, la compagnie qui produit actuellement les épisodes de We Need Girlfriends sur le web, se concentre quant à elle sur d'autres projets web et télé. C'est pas la première fois qu'une série sur Internet finit à la télé. C'est NBC, je crois, qui va diffuser la série Quarter Life. Voilà. Une autre émission web. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les explications concernant le bris de 5 câbles sous-marins la semaine dernière dans la région du Moyen-Orient sont fournies au compte-gouttes et encore là, elles sont douteuses. On en parle depuis plusieurs semaines ici à La Connexion. Il faut rappeler que 5 câbles sous-marins destinés aux services Internet et aux télécommunications internationales ont été endommagés dans un intervalle d'une semaine environ. Les autorités ont tenté une explication pour l'un des câbles, mais c'est le vide total pour les 4 autres. L'explication pour le câble entre Oman et les Émirats Arabes Unis est que le bris est dû à l'ancre d'un bateau. Une ancre abandonnée pesant de 5 à 6 tonnes. Le bris a été enregistré le 1er février dernier et il doit être réparé d'ici dimanche. L'article date du 8, donc c'est déjà fait. Pour ce qui est des deux câbles endommagés au large des côtes de l'Égypte et de l'Égypte en Méditerranée, les réparations seront complètes d'ici dimanche pour l'une des deux, mais aucune information n'a été donnée pour le deuxième en date de l'article. Ces trois câbles causent encore des problèmes plus ou moins sérieux dans plusieurs régions de l'Égypte, de certains États du Golfe arabe et de l'Asie du Sud. Un quatrième câble a été endommagé entre le Qatar et les Émirats arabes unis. Et enfin, un cinquième aurait été endommagé, mais il est possible également que le même bris ait été compté deux fois. En somme, depuis le début de cette histoire, les responsables semblent cacher des choses. Plusieurs estiment peu probable le bris de cinq câbles en sept jours et concluent qu'il s'agit de gestes délibérés par des groupes politiques ou environnementaux. Et s'il s'agit d'une véritable coïncidence, elle mérite certainement des explications. L'article vient de Canoë. Un article de Radio-Canada.ca maintenant. L'Institut économique de Montréal et le site de rencontre en ligne Réseau Contact viennent de publier les résultats d'une enquête réalisée par Léger Marketing sur les rencontres en ligne et le marché des relations amoureuses. Les deux enquêtes, enfin, il y en a deux enquêtes, qui nous permettent d'avoir une meilleure idée de la clientèle qui utilise ces services. On parle d'un nombre non négligeable puisqu'un célibataire, un célibataire québécois sur cinq serait adepte de ce type de site. De plus, les sites de rencontre iraient chercher une clientèle plus éduquée et mieux nanti que la moyenne des internautes québécois. Selon Léger Marketing, des 20% de célibataires québécois qui disent fréquenter les sites de rencontres en ligne, 34% préfèrent Réseau Contact, 19% Do Look Good et 7% Lava Life. On apprend que le flirt en ligne n'est plus l'apanage des jeunes dans la vingtaine. Les baby boomers sont de plus en plus nombreux en ligne pour s'adonner à la chose. Au sujet de la drague en ligne, 51% des célibataires québécois considèrent que les sites de rencontres font maintenant partie du jeu de la séduction et sont une façon acceptable d'établir des contacts. D'ailleurs, l'étude de l'Institut économique de Montréal conclut que la drague classique est une activité coûteuse en temps et que les sites de rencontres réduisent ce coût de recherche d'un partenaire. Toujours selon les notes de l'IEDM, les deux tiers des hommes et 70% des femmes de Réseau Contact ont une éducation de niveau collégial ou supérieur, avec une situation financière moyenne ou aisée. De plus, un mois d'activité sur le site de rencontre équivaudrait à 2783 personnes rencontrées quotidiennement pendant 31 jours. Finalement, l'enquête semble indiquer qu'après 55 ans, on observe une augmentation de la demande pour les hommes comparativement à celle pour les femmes, un phénomène qui s'explique par les préférences des participants pour les femmes plus jeunes et les hommes plus âgés. Pour les 55 ans et moins, la situation est inversée et les femmes sont relativement plus rares que les hommes, ce qui augmente leur valeur sur le marché des relations amoureuses. En terminant, une petite réflexion de Bruno Guglielminetti de Radio-Canada à la lecture des enquêtes. Je me demande l'impact qu'aura Facebook sur l'industrie de la rencontre en ligne. Si le sujet du marché de la recherche de l'amour vous intéresse, il nous suggère d'écouter l'entrevue de l'économiste Mathieu Laberge et le directeur de réseaucontact.com, Martin Aubu, qui discutait de la parution des études sur le marché des relations amoureuses à Christiane Charette en date du 12 février. Donc, si vous voulez passer par le site de unechance.com, le site de la connexion, pour cliquer sur l'article qui s'appelle « L'industrie de l'amour en ligne ». Une autre nouvelle de Radio-Canada maintenant, Bruno qui veut absolument signaler le retour d'un collègue dans la blogosphère québécoise. Il est parti du web en octobre dernier et heureusement pour nous, il est de retour à son clavier. Blogueur depuis bientôt 2 ans, Dominique Carpin a gagné ses lettres de noblesse en racontant ses récits de recherche. Anciennement hébergé chez son employeur TVA Canoë, son blog est maintenant indépendant. Très très bonne nouvelle ça, dominiquecarpin.ca. C'est maintenant l'adresse. Oui, et il présente déjà de nouvelles découvertes. Si vous désirez en savoir plus sur sa nouvelle démarche, allez écouter l'entrevue que Bruno a réalisée avec Dominique Carpin un petit peu plus tôt. Ça, c'est sur unechance.com. Encore une fois, l'article s'appelle « Dominique Carpin revient dans la blogosphère ». Il y a quelques semaines, le site américain InfoWorld mettait en ligne une pétition numérique que les internautes étaient libres de signer. La pétition en question s'adressait directement à Microsoft puisqu'elle demandait à la firme de prolonger la vente et le support de Windows XP, y compris après la date fatidique du 30 juin 2008, date à laquelle Microsoft devait cesser de vendre Windows XP aux OEM, c'est les manufacturiers d'ordinateurs. Après avoir recueilli plus de 75 000 signatures, la pétition a finalement provoqué une réaction de Microsoft, mais pas forcément celle qu'attendaient les protestataires. Un responsable de la firme a ainsi déclaré à ce sujet que, et je cite, « Nous sommes au courant de l'existence de cette pétition, mais nous allons continuer de nous concentrer sur les retours de nos partenaires et de nos clients qui nous sont faits directement et qui sont basés sur leurs réels besoins. C'est en procédant ainsi que nous avons décidé d'étendre la disponibilité de Windows XP il y a quelques mois et nous allons continuer de fonctionner ainsi. » Ça veut dire que ça va vraiment finir le 30 juillet. Ah bon. Il poursuit ensuite en ajoutant que, et je cite, « Les fabricants d'ordinateurs pourront vendre XP jusqu'au 30 juin et les fabricants de PC pourront le faire jusqu'en janvier 2009 pour satisfaire le marché des petites entreprises. Bon, les OEM, c'est les... je me rappelle jamais de la définition de OEM. Je vais chercher en même temps que je vous parle comme ça parce qu'il y a une différence entre les fabricants d'ordinateurs et les OEM. Un OEM, c'est un Original Equipment Manufacturer. C'est le manufacturier original des composants d'un produit qui pourrait ensuite être revendu par une autre compagnie. Voilà, ça explique tout. Donc, c'est ça. Sur les marchés émergents, la version XP Starter Edition sera vendue jusqu'au 30 juin 2010. Donc, pour le moment, Microsoft ne veut pas céder et reste fidèle à son dernier calendrier, bien que la pétition laisse entrevoir des arguments d'utilisateurs très recevables. Voilà qui fait le tour pour le fil informatique. Regardons les mots-clés qui ont été les plus recherchés sur la toile du Québec la semaine dernière. Ça exclut les mots à connotation sexuelle. En cinquième, on monte avec Facebook. En quatrième, on descend avec l'Auto-Québec. En troisième, ça monte les packs. En deuxième, il monte aussi Hotmail. Et en première, c'est tout à fait stable, c'est Horoscope. Restez avec nous à la connexion parce que plus tard, on parle de technologie dans le fil technologique. Hey, get up! I've been awake for 5 a.m. So get up now and start. It feels so good to wake up in the morning, catch the sun on the rise, take a walk along the shore, let your senses come alive. Ooh, good morning, be a good day. Shane Philippe dans les palmarès de C'est fou et ça c'est à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure de notre quiz musical de la semaine. Nommez ce jeu. C'est mystérieux. Hein?

Gatineau et Pawn Shop à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure du fil technologique, les nouvelles qui n'ont pas rapport avec les jeux vidéo et puis les ordinateurs, mais qui ont rapport avec les technologies. On commence par les robots. Sont-ils nos partenaires sexuels du futur? Un expert en intelligence artificielle estime que dès le milieu de ce siècle, s'entendre avec une femme fatale électronique ou avec un super étalon robot deviendra un élément parfaitement accepté. Imaginez ça, sexe à volonté, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ce que s'exclame David Lévy, auteur de « Sexe avec les robots, l'évolution des relations humains-robots ». Tout le monde ne partage pas sa vision d'un avenir où les humanoïdes garantiraient des satisfactions torrides au lit, avec en prime une conversation post-coïtale préprogrammée. Mais beaucoup pensent que c'est dans les tuyaux, étant donné les progrès réalisés chaque jour dans la reproduction des muscles et des mouvements de l'homme ou en l'intelligence artificielle pour reproduire émotions et personnalités. En novembre dernier, des chercheurs de l'université de Waseda au Japon ont présenté un robot qui peut faire la cuisine et utiliser ses douces mains enrobées de silicone pour interagir avec des humains. Selon lui, le robot sexuel Gigolo Joe, joué par Jude Law dans le film de Steven Spielberg Artificial Intelligence, qui propose conversation et soutien émotionnel aussi bien qu'ébats sexuels, pourrait être d'actualité avant une quarantaine d'années. Oui. D'autres experts sont sceptiques et je cite « Je ne pense pas que nous aurons des robots ressemblant à des êtres humains dans ce laps de temps. » C'est ce qu'estime un chercheur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, M. Kaplan, qui a programmé le cerveau de l'adorable robot chien de Sony, Aibo. Se demande si nous souhaitons vraiment des robots à notre image. Les interactions entre humains et machines seront intéressantes en elles-mêmes, pas en tant que simulation de relations humaines, dit-il. Mais David Lévy reste convaincu qu'il y a demande dans ce domaine. Une compagnie japonaise, Axis, a déjà produit ce qui pourrait être considéré comme les premiers robots sexuels. Appelés Honey Dolls, ces poupées grandeur nature sont faites de résine et de silicone de qualité chirurgicale et sont équipées sur chaque sein de senseurs commandant une voix. Pincez le téton et vous déclenchez des petits cris de plaisir chez Cindy, qui chuchotera également des mots doux à votre oreille. Les femmes aussi se laisseront tenter par les robots sexuels, estime David Lévy, en notant la hausse des ventes de vibromasseurs et autres sex toys dans le monde entier et la levée des tabous. Mais ce qui représente pour Lévy le rêve d'une vie sexuelle débridée sans culpabilité ni risque de maladie reste pour d'autres un cauchemar de désespérance. Et je cite « Je pense que c'est tiré par les cheveux de penser que des êtres humains vont tomber amoureux de robots. » C'est ce que dit la sexologue américaine Yvonne K. Fulbright, auteur de nombreux livres. Elle reconnaît que les robots sexuels trouveront sans doute un marché de niche, notamment auprès des hommes désirant vivre des fantasmes. Mais il y a un vrai problème avec les robots sexuels. Les gens se sentiront des ratés si c'est leur seule solution. Oui, loser! Voilà, donc ça c'est la nouvelle Saint-Valentin pour aujourd'hui, jeudi 14 février. La panne qui a privé lundi les utilisateurs nord-américains du BlackBerry de leur connexion à Internet a été causée par la défaillance d'un système de routage interne, selon Research in Motion, qui est la compagnie derrière BlackBerry. La panne s'est produite après une mise à jour du système de routage qui visait à améliorer sa capacité de faire face à un nombre croissant d'utilisateurs. C'est ce qu'a précisé RIM à la suite de son enquête préliminaire sur la défaillance technique. Selon la compagnie ontarienne, une grande partie des 8,5 millions d'utilisateurs nord-américains du téléphone cellulaire multifonction a été touchée par la panne. L'interruption du service n'aura duré que 3 heures et aucun message n'a été perdu, mais les utilisateurs ont quand même dû attendre quelques heures supplémentaires avant que tout leur courriel leur soit acheminé. La panne a par ailleurs entraîné mardi une diminution de 3% de la valeur de l'action de RIM à la Bourse de Toronto. Précisons que c'est la deuxième panne importante à survenir dans les 12 derniers mois pour RIM. En avril 2007, 5 millions d'utilisateurs nord-américains ont dû se passer de leur BlackBerry pendant environ 10 heures. RIM avait finalement expliqué que cette panne était causée par un problème technique dans son centre d'opération en Ontario. Et finalement, Apple songerait-elle à relancer sa console de jeux vidéo qui s'était heurtée à la concurrence en 96? Vous vous en souvenez peut-être. Et la phrase que je voulais sortir. Pour protéger sa marque de commerce dans l'éventuelle commercialisation de produits liés à l'industrie du jeu, Apple a remis au Bureau américain de brevets et des marques de commerce une liste de produits sur laquelle elle pourrait coller sa fameuse pomme. Dans cette liste remise le 5 février, Apple y inscrit, et je cite, « Jouets ou jeux, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, jeux électroniques autres que ceux adaptés pour le téléviseur, consoles de jeux LCD et jeux électroniques éducatifs. » Apple pourrait ainsi profiter de l'engouement suscité par ses iPod, iPhone, Apple TV et autres pour emboîter le pas à Nintendo, Sony et Microsoft avec davantage de succès qu'il n'en avait eu dans les années 90 avec sa console de jeux Pippin, qui avait eu maille à partir avec les consoles Nintendo 64, Sega Saturn et Sony PlayStation qui dominaient alors le marché. la console Pippin de Apple, qui s'était écoulée à près de 45 000 exemplaires, pouvait accéder à Internet et se voulait un croisement entre l'ordinateur de bureau et la console de jeux vidéo classique. Voilà pour le fil technologique. Allons rapidement parler un petit peu de, attention, gadget. Go, go, gadget en fleur! Yahoo! Gadget en chapeau! Go, go, gadget en poing! Qui c'est? Elastico Gadget! Les projets d'appareils photo novateurs sont nombreux à l'heure actuelle, comme en témoignent l'appareil bague, l'appareil photo auto-alimenté, celui qui photographie en vol ou encore cet autre qui s'intègre à un masque de plongée. Les liens d'ailleurs sont sur leunechance.com pour ça. Alors que certains sont fonctionnels et commercialisés, d'autres sont encore à l'état de projet, comme ce nouveau modèle proposé par NEC. Baptisé Dew, cet appareil prend la forme d'un collier incorporant une caméra prévue pour enregistrer le quotidien des personnes qui le porteront. L'enregistrement ne devrait pas se faire en continu, mais plutôt se déclencher à l'occasion de changements de voix ou de mouvement de la main. Les données devraient ensuite être sauvegardées en temps réel sur un serveur pour pouvoir être plus tard visionnées en fonction des besoins. À première vue, moins ludique que les autres modèles cités, cet appareil suscite plus d'interrogations quant à sa pertinence. Mémoire virtuelle ou bien bijou espion, c'est ce que demande l'article de Clubic.com. C'est d'ailleurs où il faut se rendre ou via leunechance.com pour voir la photo. Ah, les miracles de la miniaturisation! Qui n'a jamais rêvé de pouvoir profiter d'un PC portable ultra fin accompagné d'une souris qui serait capable de se glisser entre deux t-shirts dans une valise? On en parlait un petit peu la semaine dernière, j'ai des détails là-dessus. Un jour, le rêve deviendra peut-être réalité. En attendant, laissons faire l'imagination de certains designers comme ceux qui souhaiteraient créer une souris gonflable. Bien loin de tout autre produit gonflable, cette souris pourrait se ranger facilement puisqu'elle serait quasiment plate, dégonflée. Il suffirait de quelques expirations d'air pour la rendre aussitôt fonctionnelle. Amusant, ce concept n'existe pour le moment que sur le papier, mais toujours est-il que depuis cette découverte imaginaire, le geek aura un regard amusé face à ses bouées dans sa piscine. L'article vient de Clubic.com. Je vais sauter par-dessus quelques articles de gadgets. Il y a un grille-pain, oui, qui se charge automatiquement avec un moteur à l'intérieur. Ça a l'air vraiment cool. Allez voir le vidéo sur leunechance.com. L'article s'appelle « Auto-loading toaster ». Il y a aussi une manette de Xbox 360 modifiée qui vous permet de jouer à des jeux, des shooters. En fait, c'est la compagnie Head in the Game qui fabrique ça. Vous savez, quand vous jouez à des shooters, différents shooters, n'importe quel shooter, vous avez de la difficulté à passer du joystick au bouton. Il faut que vous tassiez votre doigt ou peu importe, le joystick de droite sur la Xbox 360. Il faut tasser votre pouce pour aller rejoindre les boutons colorés. Il y a une manette de HG qui remappe les boutons à l'arrière de votre commande. Donc, les boutons A, B, Y et c'est quoi l'autre? X, c'est ça? RB. Qui sont reproduits à l'arrière de la manette. Donc, vous avez deux fois chaque bouton et vous pouvez appuyer en même temps que vous avez votre pouce sur le joystick. Donc, A, B, X et Y, les boutons, c'est ce que je cherchais. Donc, c'est bon pour Halo 3, genre de choses-là. Les manettes se vendent quand même assez cher. 90 pour la version 2 boutons. Pour la version 4 boutons, oui. Et la version 2 boutons est à 70$. Allez voir HG Controllers via le site de Wogizmo.com. Le lien est dans les notes du unechance.com. Il y a un crayon qui vous permet d'envoyer des SMS. Un crayon qui ressemble un petit peu à une plume pour envoyer des SMS. Ça enregistre et sauvegarde ce que vous écrivez pour l'envoyer plus tard. Votre appartement dans une boîte. C'est une boîte de 31 par 47 pouces qu'on peut voir sur la photo sur unechance.com. Et à l'intérieur de cette boîte-là, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une armoire, un bureau, un banc qui s'ajuste en hauteur, deux autres bancs qui ne s'ajustent pas, une bibliothèque de 6 tablettes et un lit avec un matelas, tout ça dans une petite boîte de 31 par 41 pouces. Allez voir le vidéo si vous ne le croyez pas sur unechance.com. Comment barrer votre PC, votre port USB de votre PC avec PC Guardian, qui est vraiment un appareil qu'on met dans la prise USB, on le barre et ça garde votre prise USB pour que personne ne l'utilise. Je ne sais pas pourquoi vous voulez faire ça, mais bon, il y a sûrement des raisons. Un téléphone rouge, comme Batman, avec une lumière dessus. Super beau, 112$, mais c'est quand même un article de collection Red Hot Phones sur le unechance.com. Et là, je me rends compte qu'on n'a même pas de temps pour faire la chronique sur le web, mais je vous ai envoyé sur le site unechance.com quelques vidéos de stations de télé qui ferment. À la fin de la journée, certaines stations de télé ferment. Et il y a des beaux petits messages, des TV sign-off qu'on appelle, des classiques, le tvsign-off.com. C'est l'adresse tv-sign-off au pluriel.com. Il y a une vidéo, Surfing on the Web, qui est une chanson qui a été écrite en c'est quoi, 92, alors qu'il y avait peut-être 100 sites web dans le monde. C'est des nerds qui ont fait cette vidéo-là. Donc, allez voir Surfing on the Web, c'est très, très beau. Des voix de SpongeBob qui reprennent, de SpongeBob SquarePants, le Bob l'éponge, qui reprennent des classiques d'Hollywood, par exemple Casablanca, avec les voix de... Voilà, de SpongeBob SquarePants. C'est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais vous laisser aller voir le reste des liens sur le www.unechance.com. C'est d'ailleurs l'endroit où aller retrouver la balado-diffusion de l'émission en MP3. Moi, je vous retrouve dans les postes d'écoute les vendredis matin à 10h et dans les palmarès c'est fou les vendredis soirs à 17h. Je serai là. J'espère que vous serez aussi. La connexion est en direct les jeudis matins à 11h et en rediffusion les mardis à 9h. Je vous souhaite une très, très bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite une bonne semaine de la part de toute l'équipe fictive de la connexion. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire au revoir. Bonne soirée, bonne semaine, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit et bonne chance. Dash.com